DJ Polak. Demande à Max, gars. Oh. Allô, la France, ici Québec. Deux. Ma mère a mis au monde un grand Polak vénère. Un putain de Rottweiler. Rime, rime, criminel. Chez nous, ça trime. Grand bata frime, la ferme, la ferme. Mixtape, nos textes gain, ton texte clean. Voilà la team, c'est pas la peine, tu t'es. La vie me blesse, nos rimes glissent, nos textes lèvent. On s'exprime, le sexe prime, si extrême. Un extrait, pas plus d'enquête. Les bitches gain, en temps de règle, la force ça paye. La mort attraye, la mort assraye. Les jeunes rêvent, nés dans un rail. D'autres rêvent, sans rien à graille, c'est grave. Bref, si tu brailles des dettes, je comprends pas, partout c'est la guerre. Partout c'est pour ma terre, mon 7-7 à 6000 km. Tristesse dans les yeux des mères, même les mères se rebellent. Pareil qu'avant, la planète était belle. Sommes des indigènes. L'argent, y'a que ça qu'on aime. Sommes des machines de guerre. L'homme ne dit plus je t'aime. Parce qu'on aime les dollars, les yens et les euros. Les pesos aux scènes et ce dépôt. On tombe dans le crime, ça c'est notre rôle. Gucci Prada sur les épaules. Mon père a pillé les meilleurs caps de France et d'ailleurs. Renchéri les coffres forts de Hitler. Yes. Maintenant je suis les traces du rêve américain en contournant le droit chemin dans les sacs à main. J'ai le C4 prêt dans le coffre à gants. J'ai la carte d'accès du compte de la banque. J'ai la détermination du minotaure. Des flammes dans les yeux devant une cargaison de 10 000 $. Chaque profit est injecté dans les boîtes à souliers. Il décore un entrepôt désaffecté et garde des parts de verreux policiers. Sans le polygraphie, les battements de cœur réguliers comme un métronome. Mes ambitions montent vers le ciel gonflé comme un ballon d'hélium. J'suis partout, le jeu, les armes, l'alcool, le tabac. L'immobilier, les femmes, la drogue, les combats. Si t'as l'air t'as intérêt à lire les clauses du contrat. Car dans mon monde y'a pas de négociation de contrat. Sommes des indigènes. L'argent y'a que ça qu'on aime. Sommes des machines de guerre. L'homme ne dit plus je t'aime. Parce qu'on aime les dollars, les yens et les euros. Les pesos aux scènes et ce dépôt. On tombe dans le crime, ça c'est notre rôle. Gucci Prada sur les épaules. Sommes des indigènes. L'argent y'a que ça qu'on aime. Sommes des machines de guerre. L'homme ne dit plus je t'aime. Parce qu'on aime les dollars, les yens et les euros. Les pesos aux scènes et ce dépôt. On tombe dans le crime, ça c'est notre rôle. Gucci Prada sur les épaules.